Psaume 6. Psaume de David, donné au maître chantre, pour le chanter en aiguinote, sur ses minutes. Éternel, ne me reprends point en ta colère, et ne me châtie point en ta fureur. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans aucune force, guéris-moi, ô Éternel, car mes os sont épouvantés. Même mon âme est fort troublée, et toi, ô Éternel, jusqu'à quand? Éternel, retourne-toi, garantis mon âme, délivre-moi pour l'amour de ta gratuité. Car il n'est point fait mention de toi en la mort, et qui est-ce qui te célébrera dans le sépulcre? Je me suis épuisé à force de soupirer, je baigne mon lit toutes les nuits, je le trempe de mes larmes. Mon regard est tout défait de chagrin, il est envieillé à cause de tous ceux qui me pressent. Retirez-vous loin de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel a reçu ma requête. Tous mes ennemis seront honteux et épouvantés, ils s'en retourneront, ils seront confus en un moment.